En Corée, l'Institut de la protection végétale du Centre de recherche agronomique, près le ministère de l'Agriculture, vient de mettre au point à la manière originale un produit phytosanitaire végétal. Le test du produit a confirmé son efficacité. Le procédé de sa fabrication est simple et demande peu d'électricité et peu de prix de revient. L'effet de désinsectisation est de plus de 95%.